Chapitre 11. Les quatre miracles approuvés pour la béatification. Premier miracle, la multiplication miraculeuse du pain. La corporation religieuse dite du bon pasteur a dans la ville de Bourges une maison considérable où, selon le propre de son institut, on a coutume de recueillir des jeunes filles qui ont déjà été ou sont encore exposées à de grands dangers. Là, par de saints enseignements, on les amène à détester leur mauvaise vie passée et on les met en état de se tenir ferme et solide contre les appâts dangereux du vice. Le nombre de ces pauvres filles est toujours considérable, parce qu'on ne refuse aucune de celles qui veulent chercher là un abri, comme dans un port de salut. La maison donc, n'ayant pas de revenus proprement dit, vit et se soutient presque uniquement par les aumônes volontaires des fidèles et par le produit des ouvrages manuels auxquels on occupe ces jeunes filles. Deux fois par jour, on dresse la table pour tout le monde, mais pour quelques-unes spécialement, pour celles d'un âge moins avancé surtout. Il est nécessaire de leur donner plus souvent de la nourriture. Leur ordinaire consiste en légumes, parce qu'à raison de la pauvreté dans la maison, on ne peut leur donner de la viande que trois fois par semaine. Toutefois, la nourriture, le pain surtout, s'accorde à toutes largement et à satiété. Vers la fin de l'année 1845, on comptait dans la communauté 116 personnes, savoir 17 religieuses, 59 jeunes personnes arrachées au mal et 40 plus jeunes, dont les plus âgés ne dépassaient pas 17 ans, et qui, soustraites pour quelque temps aux dangers du monde, étaient élevées et formées soigneusement dans la piété et dans les bonnes mœurs. Par suite d'une telle augmentation de bouches à nourrir et de la diminution d'une part des secours et des ressources accoutumées, la maison fut réduite à une grande détresse. Et, loin d'avoir dans sa caisse de quoi subvenir aux besoins présents, elle était déjà depuis plusieurs mois endettée de la somme de 1200 francs. En cette fâcheuse conjoncture, la sœur Marie du Sacré-Cœur de Jésus, supérieure du monastère, ayant entendu raconter les nombreux prodiges que Dieu opérait par l'intercession de la vénérable Germaine Cousin, se sentit animée et excitée à mettre en elle toute sa confiance et à la prier de daigner subvenir miraculeusement à la nécessité pressante de la maison, en multipliant sa provision de blé. Pour cela, elle ordonna une neuvaine de prières. Elle fit lire dans toutes les classes, aux salles d'école des jeunes filles, la vie de la Vénérable, dont on devait mettre les médailles dans le grenier pour les distribuer ensuite à toutes les religieuses. Et elle les anima à prier avec une vive foi. Deux religieuses converses avaient la charge de faire tous les 5 jours le pain de toute la communauté, employant pour chaque fournée 12 corbeilles de farine qui, pétries et cuites, donnaient 20 grands pains pesant chacun 10 kilogrammes. Or, la supérieure commanda à ses deux sœurs de ne prendre pour les 2 premières fournées que 16 corbeilles de farine au lieu de 24 qui étaient nécessaires, et de prier la vénérable Germaine de suppléer à ceux qui manquaient. Elles obéirent exactement, mais pendant qu'elles étaient à pétrir à la huche, voyant que la masse de pâte était bien au-dessus de ce qu'elle devait faire pour qu'on pût avoir en 1 jour et en 2 fournées les 40 pains accoutumés, elles prirent au tas une autre quantité de farine et l'ajoutèrent au reste. Comme avec tout cela, on n'arrivait pas à 24 corbeilles de farine qu'auparavant on avait coutume d'employer, il en résulta que les 40 pains confits étaient moindres en masse et en poids, et ils suffirent à peine pour 3 jours. On dut donc venir encore au bout de 3 jours faire de nouveaux pains. Et, parce que la supérieure s'étant fortement plainte de ce que ses ordres n'eussent pas été exactement exécutés, cette fois les deux sœurs prirent seulement 8 corbeilles de farine pour chaque fournée, et n'obtinrent que des pains beaucoup plus petits. Encore sur le nombre ordinaire en manquait-il 2 ou 3. C'était donc déjà la 4e fois que cette épreuve était renouvelée, et on ne voyait pas encore de miracle. Ce qui fit que sœur Marie de Saint-Janvier, une des boulangères, commença à tomber un peu dans la défiance. Elle ne pouvait comprendre comment la supérieure persistait au préjudice du monastère dans ses mêmes dispositions à attendre une multiplication miraculeuse. Elle aurait bien voulu en parler, mais elle s'abstint pour n'être pas de nouveau taxée de personnes de peu de foi et recevoir des réprimandes. Elle sentait en conséquence s'accroître en elle l'humeur qu'elle prenait des visites et que ne cessaient de renouveler au four les autres sœurs qui demandaient à chaque instant s'il n'y avait rien de nouveau. Mais laissons-la raconter elle-même avec sa simplicité ses contrariétés intérieures. Voyant, dit-elle, que la supérieure était mécontente, nous convînmes de ne mettre que 8 corbeilles de farine par chaque fournée. Dans la première fournée, nous n'eûmes avec les 8 corbeilles que des pains beaucoup plus petits et moindres en nombre, de 2 ou 3 de ceux qu'on faisait ordinairement. La mère supérieure, étant venue au four, se fâcha parce que nous n'avions pas fait 20 pains comme de coutume, et elle nous reprocha notre peu de confiance. Pour lui obéir, nous fîmes 20 pains dans la seconde fournée avec 8 corbeilles de farine, mais nous n'eûmes que des pains très petits qui pouvaient passer pour des biscuits. Les pains résultant de ces 2 fournées ne durèrent, je crois, que 3 jours. Quant à moi, j'étais très ennuyée de tout ce que me disait la supérieure, comme aussi des visites des sœurs se succédant sans interruption au four pour demander si le miracle se faisait. Elle me reprochait mon peu de confiance en la vénérable Germaine. Je remarquais encore que ces fournées occasionnaient une grande dépense de bois, parce qu'il n'en fallait pas moins que dans les fournées ordinaires, et cependant, les pains faisaient moins de temps. Toutes ces raisons m'empêchaient d'en parler à la supérieure, parce que je ne voulais pas faire les premiers pas. Telles sont les paroles de la sœur. La consommation inutile du bois commença même à jeter quelques craintes dans l'âme de la supérieure, qui à partir de ce moment roula dans son esprit la pensée de révoquer l'ordre qu'elle avait donné. Elle l'aurait fait le dernier jour de novembre comme elle l'avait décidé en elle-même. Mais l'heure était avancée et les sœurs étaient couchées, de sorte que la bonne mère, n'ayant plus moyen de parler à la sœur boulangère avant de se mettre au lit, pria encore avec une plus grande ferveur la vénérable Germaine, la suppliant de ne pas permettre que le jour suivant, les pains résultant de la fournée fussent aussi petits et maigres. Donc le premier jour de décembre, la supérieure n'ayant encore rien dit, les 2 sœurs boulangères se mirent à l'œuvre. Et pour se conformer strictement aux ordres qui leur avaient été plusieurs fois intimés, elles ne tirèrent pas du grenier plus de 8 corbeilles de farine par chaque fournée. C'est cette farine sur laquelle s'opéra enfin le miracle de la multiplication. Écoutons le récit de la boulangère elle-même, sœur Marie de Saint-Janvier. Le lundi, premier jour de décembre, nous remplîmes pour la première fournée 8 corbeilles de farine qui n'étaient pas plus pleines que de coutume. J'étais ce jour-là d'humeur chagrine, ennuyée d'être obligée de faire le pain avec seulement 8 corbeilles de farine, ayant vu déjà l'épreuve que la chose ne réussissait pas. Après avoir fait la pâte, je vis qu'elle était en quantité proportionnée à la farine que nous avions employée, et je dis à la sœur qui faisait le pain avec moi de mettre plein la corbeille de pâte. C'était mon intention d'avoir par là un nombre beaucoup moindre de pains et de faire connaître ainsi à la supérieure que la chose ne pouvait pas réussir. Et je le disais comme par défi à la bienheureuse Germaine, qui devait, selon moi, puisqu'elle ne nous avait pas donné de la farine, nous donner la pâte toute prête et pétrie. Mais à mesure que l'autre sœur remplissait la corbeille, je vis que la pâte ne diminuait pas à proportion dans le pétrin, et il y en eut même suffisamment pour remplir toutes les corbeilles. Il y eut encore de quoi ajouter à tous les pains, et en plus il en resta 2 ou 3 livres que l'on laissa dans la huche. Je fus surprise et toute remplie de confusion d'avoir eu si peu de confiance et d'avoir parlé comme j'avais fait à la mère supérieure et à notre sœur. On obtint de cette fournée 20 pains, qui furent encore plus gros que les pains ordinaires, qu'on obtenait auparavant de 12 corbeilles de farine. De sorte que de ces pains, on n'en put faire entrer que 19 dans le four, qu'il en resta par conséquent 1, que l'on remit dans la huche avec le levain de la seconde fournée. Dans cette seconde fournée du même jour, nous remplîmes encore dans la case à farine 8 corbeilles. Et, après en avoir obtenu la quantité de pâte suffisante pour remplir le four, il resta encore dans la huche 4 corbeilles de farine que nous rangeâmes à part. Dans la première fournée, nous nous sommes aperçus de la multiplication de la pâte qu'au moment où nous l'avons mise dans la corbeille. Dans la seconde, nous nous en sommes aperçus dans le moment même où nous faisions la pâte. Dans la matinée, la mère supérieure vint au four, et la sœur qui était avec moi ayant dit qu'il y avait un miracle, je m'en allais parce que je sentais une trop grande honte. À la seconde fournée, je parlais du miracle à la sœur qui était avec moi pour faire le pain. En ce moment, passait dans le voisinage du four la sœur économe. Je lui dis qu'il y avait un miracle. Elle entra dans le moment que la pâte était dans la corbeille et la farine dans la case à farine. J'étais toute tremblante et confuse d'avoir eu si peu de confiance et d'avoir murmuré. J'avais tant de honte que je n'osais pas paraître dans la communauté et je cherchais encore à me cacher. Le lendemain, j'allais moi-même trouver la supérieure pour lui demander pardon de ma désobéissance et de tout ce que j'avais dit, promettant bien dorénavant de lui obéir en tout point. La sœur termine son récit en confessant sa faute avec simplicité et candeur. La prodigieuse multiplication dont on vient de parler ayant été divulguée, nombre de religieuses et d'élèves coururent au four pour voir de leurs propres yeux le pain miraculeux. La supérieure ordonna des prières publiques pour rendre grâce à Dieu et à la vénérable Germaine, qui dans ce jour avaient bien voulu subvenir à leurs besoins, par 577 livres d'un pain miraculeux. Il faut ajouter que les 5 jours suivants, la pâte se multiplia de la même manière. Seulement, la multiplication ne fut pas aussi abondante que la première fois. Une troisième multiplication arriva dans le même temps où nous dressions les procès-verbaux de la cause.